Côte d'Azur. En FM, à Nice, sur 94.1. Calmement, tous ces vieux ennemis. Ouais, ça j'aime. Alors,

Agora Côte d'Azur. Go! cueillir la fleur d'amour d'Esmeralda. Sur Agora Côte d'Azur, découvrez quelques sélections estivales. Profitez de la douceur des soirées d'été en musique avec des concerts en plein air à Monaco jusqu'au 23 août. Salsa, polyphonie corse, country et zouk sont au programme des 4 soirées-concerts au Square Gasto. Accès libre et gratuit. Amateurs de jeux vidéo, Menton met à disposition en l'esplanade des Sablettes des PlayStation 4 jusqu'au 30 août. Pour des soirées autour de jeux populaires, des sessions jeux de société sont également prévues autour de jeux d'échecs, dames, cartes ou jeux de rôle. Une course de paddle est prévue à la base nautique d'Aguet le 3 septembre. Cet événement sportif, festif et solidaire est organisé par l'association Léo, l'occasion de faire du sport tout en s'associant à leur combat auprès des enfants touchés par le cancer ou la leucémie. Cause no misery. Folks with plenty of plenty got a lock on the door, 'cause they're afraid somebody's gonna rob them while they're out making more. What for? I got no lock on the door, that's no way to be. They can steal the rug from the floor, that's okay with me, 'cause the things that I prize, like the stars in the skies, are all free. 'Cause I got plenty of nothing, and nothing's plenty for me. Got my man, got my song, got my Lord. lequel chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, posée en mille éclats de voix. Stop for some of it. va molto bene. Elisa. FM à Paye sur 94.1. Aux douceurs des guitares tropicales, bougent les filles occidentales. Oh, pour le cœur, la samba, c'est bien. Sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci. O que é felicidade, meu amor? d'Azur. En FM, à Payon, sur 94.1. Il est mort. Il est mort, il est mort le soleil, mais je suis la seule à porter le deuil, et le jour ne franchit plus mon seuil. Sur Agora Côte d'Azur, découvrez quelques sélections estivales. Le Grimaldi Forum de Monaco accueille l'exposition Monet en pleine lumière jusqu'au 3 septembre. À l'occasion du 140e anniversaire de la première escale du peintre sur le rocher, découvrez les œuvres de l'impressionniste réalisées sur la Riviera. Promenade en fête, c'est à Cannes-sur-Mer le samedi 12 août. Pour l'occasion, le bord de mer devient piéton et animé dès 19h30. Au programme animation gratuite pour les enfants, feux d'artifice, musique, structures gonflables ou encore défis sportifs, de quoi passer une bonne soirée estivale en famille. Pour en voir de toutes les couleurs, rendez-vous à la Color Beach DJ Party de Menton, jeudi 10 août. De 17h à 19h, l'esplanade Francis Palmero se transforme en dance floor avec projection de poudre colorée, t-shirt blanc et lunettes recommandées. Agora, Côte d'Azur. La mia bandiera in luviore che si spanna, in ogni stanta rausole, in ogni giocco di campana, si per me l'alto vanale, a mia strada, a mia fontana, o la mia bandiera, o la mia bandiera, tiro la mia bandiera in ogni corre, illusa braccia un mare, in aianna di albore, si per me a stella ardente, guida di un messe in bulore, o la mia bandiera.

Déjà 19h, vous écoutez Agora Côte d'Azur, on retrouve la rédaction pour un nouveau flash. Down in New Orleans, Louisiana, tell you the story about Didney Ramble. Cause you know there was a funeral march in front of Didney Ramble where they take the body to the cemetery and they load Brother Gate in the ground and dig it. as they low old Brother Gate in the ground. And old Revel say, ashes to ashes, dust to dust. It's too bad old Gate couldn't have stayed on earth with us. And the snare drum player, he takes the handkerchief out of the snare and roll up so the members can form in line to swing back to the hall playing Didn't He Remember? And it's pulling me to you. Salut, comment tu t'appelles? Je sais mon nom, c'est Leila. Tu es parfait pour moi, moi, moi, moi. Un, deux, trois, I need you. Here ce soir, don't tell me. Au revoir, bébé. Don't dreaming in a house like the moon. Incroyable, I can't believe it. She's a femme fatale partout. Make me move side to side. I lose myself one more time. Encore une fois, je te salue. Déjà, déjà, déjà vu. Un, deux, trois, I need you. Et ce soir, don't tell me. Oh. À Valoris sur 94. J'ai pu me réveiller, rien à faire. Sans moi, le monde peut bien tourner à l'envers. Tu n'as Agora Côte d'Azur, découvrez quelques sélections estivales. Cet été, la ville de Menton organise des soirées beach volley. Venez affronter des adversaires de tous niveaux sur le sable azuréen. C'est chaque mardi soir sur la plage du Borigo de 18 à 22h et tous les jeudis de 19h à 23h au stade Rondelli. À Nice, jusqu'au 10 septembre, la galerie du musée de la photographie Charles Nègre accueille l'exposition rétrospective du photographe Patrick Hanez. Pour plus d'informations, allez sur le site muséephotographie.nice.fr. La Villa d'Omergue à Cannes vous ouvre ses portes jusqu'au 18 septembre. Venez alors visiter cette grande bâtisse construite par les peintres et époux Jean-Gabriel d'Omergue et Odette Maugendre. Les deux artistes ont eux-mêmes dessiné les plans des jardins et de cette demeure d'exception, classée monument historique depuis 1990. Agora Côte d'Azur. Here we go. Here we go again. Loving you has caused me so much pain. But you don't see it. You never see it. So why apologize? I was just doing what I had to do. I never meant to break your heart. Côte d'Azur. yourself in a world like this. Greedy politicians, present and past, they wouldn't know the truth if it bit them in the ass. Now tell me, what is truth? Have we all lost sight of common decency, of wrong and right? How do we heal this great divide? Do we care enough to try? Liar, liar, the world's on fire. What we gonna do when it all burns down? Billy got a gun, Joey got a knife, Janie got a sign to carry in the fight. Marching in the streets with sticks and stones.